c'est un voile d'été. Vêtu comme un dimanche, c'est un voile d'été qui, sur son aile blanche, m'a soudain emporté. Il m'a parlé d'un songe, d'une île merveilleuse, dont les rives s'allongent en plages langoureuses. Il m'a chanté la brise quand dansent les nuages, qui dessinent des frises sur l'océan bien sage. Il m'a conté les fleurs du charmant bout de terre, ancrées tel un veilleur sous le doux Finistère. Il m'a soufflé l'émoi qui inonde les cœurs. Quand je parle de Groix, j'entrevois le bonheur. Cette exquise marine, un soleil sans envie dévoile dans le ciel, évanescent la vie, son éventail de miel. Venue de ses confins, une brise distraite élabore un parfum aux essences secrètes. Nonchalante, la mer ébroue ses blancs jupons, telle vieille grand-mère aux airs d'un Orphéon. Majestueux et hâbleurs de leur vol impassible, des goélands râleurs écrivent l'indicible. Cette exquise marine, éden des récurrences, sans cesse nous serine l'énigme où tout commence. Comme souffle de vie, glisse déjà le flux sur la plage ravie. C'est un sang qui afflue comme souffle de vie. Sur le sable râpeux, des barques se réveillent et dodelinent un peu, tirées d'un doux sommeil. Puis les brumes s'effacent, semblent se soulever, quand l'onde bleue se froisse sous la brise levée. Fi, de l'imaginaire, ce lieu est bien vivant, juste un jour ordinaire, sans horde d'estivants. Toi, l'île séculaire, tes maisons dorment encore, le village s'éclaire, dis-moi qu'il n'est pas mort. Elles sont sans saison. Le rideau est tombé sur un jour sans relief, le soir a succombé, épuisé, sans grief. Il est de ces journées qui passent inconnues, pressées de retourner à la nuit bienvenue. Elles sont sans saison, quoiqu'un peu larmoyantes, froides et sans horizon, s'étirent accablantes. Leurs matins sont brouillés et les heures se suivent, soumises et barbouillées, molles et dépressives. Et même le tic-tac de la vieille pendule claque monomaniaque, sans ressort, ridicule. Au cri des goélands sur un sable palot, l'océan somnolent jette ses mortes eaux. Les nuages, suspendus, irréels, peut-être un peu folâtres, éthérés, idéels, leurs reflets sont d'albâtre. À la fois forts et frêles, je les vois là glisser, lourds et intemporels sur l'azur polissé. Ils sont comme vaisseaux qui suivent l'horizon, les étranges vassaux d'un climat sans raison. Ombre la feuille blanche où ma plume se perd, sautille et puis s'épanche, s'attriste et puis espère. Mais sous le vent râleur, parfois, ne font plus qu'un, laissent le ciel en pleurs et l'océan chagrin. Le baiser d'une brise. Le baiser d'une brise, tout en délicatesse, amoureusement frise la mer de ses caresses. Le soleil débonnaire veille ses blancs nuages, leur cortège ordinaire déambule bien sage. Même les goélands honorent le silence, rêveurs et nonchalants planent avec indolence. Colorés, quelques voiles fleurissent l'horizon, éclosion boréale de pâles frondaisons. Et sous l'azur vibrant, Groix, bientôt endormi, délaisse son estran aux barques alanguies. Locmaria est le temps d'un été. C'est un léger ressac que celui qui me berce, vaguelette qui claque, et plus loin une averse. Une harpe céleste dont j'aperçois les cordes, ou, simple risée d'ouest, qu'un orage m'accorde. Sur la petite baie, l'océan barbouillé pousse son courant muet sous les barques mouillées. Une brise en balade, nonchalante et distraite, emmène la parade de trois joyeuses mouettes. Et le temps d'un été, Locmaria se réveille, ses maisons apprêtées, une à une, s'éveillent. Locmaria, le vieux lavoir. L'océan broie du noir et la terre est chagrine, dans ses habits du soir, le ciel en crinoline. L'île est presque figée, si ce n'est au lointain, une cloche affligée qui salue un destin. Un long glas qui appelle cette humide apathie, tout contre sa chapelle, Locmaria s'est blottie. Les ruelles sont vides et les maisons s'éteignent, leurs façades livides sous des volets qui saignent. En ultime prière, raide dans sa douleur, le vieux lavoir de pierre, comme abandonné, pleure. C'est le jour qui s'éveille. C'est le jour qui s'éveille, ses reflets d'aquarelle réchauffés au soleil d'un songe intemporel. L'évanescence folle de nuages apeurés qui doucement s'étiolent sur l'azur effleuré. L'océan, lui, scintille dans sa robe céleste. L'on dirait qu'il fourmille de feu venu de l'est. Les balises du port, bien étranges pinceaux de cette chaude aurore, ont rangé leurs faisceaux. Belle toile exposée en ce déclin de nuit, finement arrosée de brume qui s'ennuie. Juste le cri d'une aile soulignée d'un zéphyr, une note idéale dans un ciel bleu porphyre. Le silence caresse quelques chants volatiles, long moment de tendresse que l'on croirait tactile. La brise me regarde. Dans le silence inquiet de ma sombre mansarde, derrière les volets, la brise me regarde. Et la laine d'éole dépose sur le bois de fines auréoles que le ciel entrevoit. Le soleil émietté crache ses perles fines, une journée d'été barbouillée par la bruine. De grands arbres en sanglots tremblent dans la pénombre, un étrange tableau où disparaît toute ombre. Je n'entends pas de cris remontés de la plage. Le bonheur est proscrit ou alors en voyage. Je parle de l'automne. Oui, je l'entends, qui toque dans les reflets carmins d'un bien sinistre froc. Il sera là, demain. Je parle de l'automne, ces journées moribondes dont les échos résonnent en des pluies pudibondes. Puis, dans l'indifférence, la brise se rabise, oubliant des fragrances par le printemps apprise. Le soleil, vieil avare, percera nonchalant, la mer à son cafard dansera sans allant. Un vent plein de mépris naîtra d'un ciel en deuil, les arbres incompris y laisseront leurs feuilles. L'or, entre chien et loup, poursuivrait mon chemin, fait de glaise et de boue. L'été passe la main. C'est là l'île où je vis. Une étoffe opaline, pareille au ciel d'été, des teintes cristallines qui glissent apprêtées. Au cœur de cet écrin, l'empreinte d'une terre, ses arômes marins, fugaces comme éther. Ces oiseaux par milliers qui voltigent sans cesse, bruyants et singuliers, molle brise caresse. Quand s'annonce la nuit mystérieuse et puissante, furtif des feux essuie les nues luminescentes. Ces veilleurs d'océan balaient l'immense toile, de leurs faisceaux brillants ils parlent aux étoiles. C'est là l'île où je vis, sertie sur l'émeraude d'une mer assouvie, achevant sa maraude. Cette ligne de brume est pareille à l'ennui, froide comme amertume, accouchée de la nuit, occulte l'horizon et se fond dans le ciel, Elle est là, sans saison, éthérée, irréelle. Semble s'être assouvie de trop timides brises, nous offre ce la-vie à dominante grise. Mystérieux ectoplasme, elle glisse sur l'onde en étrange fantasme, accomplissant sa ronde. Les oiseaux silencieux ne s'y sont pas trompés. Sur la jetée, soucieux, ils se sont regroupés. Même la plage nue n'ose plus se couvrir d'un goémon venu sur le sable mourir. Jour d'orage. Une aurore insouciante avait blondi le port de cette aura brillante qui s'illumine d'or. Mais le matin venu se montra plus timide quand l'azur soutenu se fit l'or moins limpide. Sous des vents délétères, une touffeur étrange enveloppa la terre d'un crêpe presque orange. Le ciel bleu éprouvé déjà s'était voilé d'un tulle délavé aux fragrances salées. L'ouest s'était masqué d'une voilette noire et l'orage embusqué n'attendait que le soir. L'or, les rives de l'île. Un zéphyr doux et tendre caresse la bruyère et paraît s'y répandre sous de pâles lumières. Une brise d'été que nous souffle la mer sans cesse répétée mais pourtant éphémère. Ce petit vent distrait, un tantinet rieur, par ses baisers discrets se fait ensorceleur. Son haleine fleurée de pétales en offrande, bien qu'à peine effleurée, vient enivrer la lande. L'or, les rives de l'île, aux couleurs extatiques, prennent les tons subtils d'un jardin exotique. C'est l'agonie d'un soir. C'est l'agonie d'un soir qui jette sur la mer les fleurs d'un reposoir, les feux d'une chimère. Un crépuscule pâle qui retient sans allant les doux reflets d'opale du jour capitulant. La nuit, bien qu'invisible, lâche déjà ses brises. Des parfums indicibles marquent là son emprise. Des mouettes attardées dessinent un court instant les formes évidées d'un message inconstant. Le soleil s'est couché, laissant cette clarté qui l'or semble lécher un ciel juste ouaté. S'élèvent éphémères ces brumes inspirées qui barbouillent la mer de leurs voiles éthérées. Lors la magie s'installe, dans son tiède silence, revêtant l'onde étale de troublantes essences. Les couleurs s'aquarellent, mêlent l'ocre et l'azur, vision intemporelle que frise la verdure. Le chemin arboré s'entr'ouvre, linéaire, tel le porche fleuré d'un vivant sanctuaire. Seule une brise inquiète frissonne par instants, et tutoie la palette du vieux peintre du temps. La mer câline l'île. Il attend, patiemment, sur le bord de la grève. L'océan, mollement, me dépose ses rêves. Dans des reflets de jade a délaissé la nuit pour une aurore fade, cette aube qui s'ennuie. Sous le ciel qui s'allume, c'est simplement vêtu d'une coquette brume qui le couvre têtue. La belle nappe claire que la côte lui dresse paisiblement s'éclaire, noble et enchanteresse. Puis le nordais emmène quelques mouettes rieuses, quelle envoûtante scène, indicible et radieuse. Juste un doux frisolis, la mer câline l'île, son tendre gazouillis s'envole là, subtil. Une étrange atonie. Un soleil explosé sur une mer absente aux reliefs irisés entame sa descente. L'horizon barbouillé ne saigne pas encore. Ses brumes gribouillées ouatent un gris décor. Et ce n'est pas la brise qui s'essouffle fragile sur la lande soumise qui ranimera l'île. La nuit, beaucoup moins sage, invitera troublée quelque pédant orage pour alors l'accabler. C'est la lente agonie d'une journée d'automne, une étrange atonie en mon vieux cœur résonne. J'ai juste gribouillé. Ils passent là, chagrin, par-dessus mon vieux toit, et retiennent leurs grains en pépère courtois. J'aperçois les saisies qui fendent l'onde grise, quelques mouettes transies y sèchent sous la bise. L'horizon s'est couvert d'une brouillasse atone, ça ressemble à l'hiver morose et monotone. Dans ces teintes d'ardoise, la place Notre-Dame, que la chapelle toise, semble aujourd'hui sans âme. Lessivé par les pluies, figé dans ses pâleurs, le village s'essuie, avare de couleurs. Alors, sur mon cahier, abreuvé d'encre sombre, j'ai juste gribouillé un soleil et de l'ombre.